Jean-Baptiste, Ndiko Manyanga. Nous sommes lundi 28 février 2022. Bienvenue sur le journal édition de la mi-journée. Donc voici d'abord les principales articulations. Une convention d'extradition entre le Burundi et le Rwanda, c'est la seule condition que le Rwanda peut utiliser à remettre dans les mains du Burundi des présumés auteurs du putsch manqué de 2015. Analyse faite par Maître Salvatore Minani, si ces derniers n'ont pas le statut de réfugié, vous l'entendre. Une partie des riziculteurs de Bugendana en province de Gitega n'ont pas semé le riz cette saison suite à la destruction des barrages d'irrigation écrits à leur réhabilitation. Et la chronique sportive de ce lundi va axer sur les défis qui hantent le sport au sein de la Force de défense nationale du Burundi. Bienvenue à ce journal mis en œuvre par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Pour que le Rwanda procède à l'extradition au Burundi des réfugiés auteurs du putsch manqué de 2015, il faut la convention d'extradition entre les deux pays. C'est l'analyse du juriste Maître Salvatore Minani. Selon lui, si ces gens ont le statut de réfugié, ils ne devraient pas être livrés comme le stipule la Convention internationale sur les réfugiés. Toutefois, ce juriste trouve que le Rwanda va mettre sur la balance la satisfaction du Burundi et le respect des textes internationaux. Suivez Maître Salvatore Minani, dont les propos ont été recueillis par Lini Benevikita. D'abord, c'est quoi la procédure d'extradition qu'on vient de le dire? C'est une procédure qui permet à un État de se faire livrer un individu se trouvant sur un territoire d'un autre État lorsque cet individu est poursuivi pour un crime déterminé et lorsque l'État requérant veut juger cette personne. Mais alors, il y a plusieurs choses qui doivent être en jeu en cette matière. C'est que notamment, il doit y avoir une convention d'extradition entre les deux États, c'est-à-dire l'État demandeur et l'État qui a accordé l'asile à la personne recherchée. Dès lors qu'il y a cette convention d'extradition, il n'y a pas vraiment d'autres conditions. Il y a même ce principe de non-refoulement qui protège les personnes sollicitées lorsque ces personnes remplissent les conditions de réfugiés et qu'il y a plusieurs raisons de croire que ces personnes, une fois renvoyées dans leur pays d'origine ou dans le pays qui les demande, elles peuvent être torturées, elles peuvent être menacées au niveau de leur vie, donc au niveau du droit international, humanitaire notamment la Convention de Genève de 1951. Il y a vraiment ce respect de ce principe. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que les présumés putschistes qui se trouvent au Rwanda ou ailleurs même, est-ce qu'ils doivent être extradés? C'est toute la question qui se pose, mais je pense que c'est la question aussi d'intérêt. Rwanda ou tout autre pays devra mettre sur balance. Il y a donc environ 7 ans que ces personnes n'ont pas été extradées, c'est-à-dire qu'il y a des raisons que Rwanda avance, même si la demande ne date pas de 2015, évidemment. C'est une question de mettre sur balance les intérêts à préserver. Rwanda lui-même doit se poser cette question. Dois-je satisfaire à la demande burundaise? Toute la question restera de savoir, entre extrader et ne pas extrader, quel est là où les intérêts seront préservés pour Rwanda. L'analyse de ce juriste intervient après que le ministre burundais de la Justice ait été reçu par son homologue rwandais vendredi dernier. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a déclaré qu'ils étaient en train d'étudier les modalités d'extradition des présumés auteurs du coup d'État avorté de 2015. Clôture ce lundi dans les deux chambres du Parlement burundais de la session ordinaire de décembre sur 14 projets de loi envoyés à la chambre haute du Parlement. 10 ont été analysés, approuvés, a précisé Manuel Sinzo Hagera, président du Sénat. De son côté, la chambre basse du Parlement a analysé et adopté 10 projets de loi, a affirmé Daniel Gélaz Ndabila et son président. Suivez-le. Sur le plan législatif, les projets de loi suivants ont été analysés et adoptés. Le projet de loi portant règlement et compte rendu budgétaire pour l'exercice 2015, j'émane au projet de loi portant statut des officiers de la police nationale du Burundi, projet de loi portant statut des sous-officiers brigadiers de la police nationale du Burundi, projet de loi portant statut des agents de la police nationale du Burundi, le projet de loi portant ratification par la République du Burundi du protocole sur les privilèges et immunités de la communauté est-africaine, le projet de loi portant ratification de l'accord de coopération pour l'exécution du projet de gestion intégrée des ressources hydriques au Burundi entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement de la République arabe d'Égypte, signé le 24 mars au Caire, en Égypte. Le projet de loi portant code du transport ferroviaire au Burundi. Le projet de loi portant statut du personnel d'appui de la police nationale du Burundi. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques spéciaux et de service entre le gouvernement de la République du Burundi et la République arabe d'Égypte, signé le 24 mars 2021 au Caire, en Égypte. Le projet de loi portant répression de la cybercriminalité au Burundi et enfin le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code de la protection sociale au Burundi et revalorisation des pensions pour le secteur public. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page de sécurité à présent, un vieil homme de la localité de Mirombero, de la commune Mugui, en province Chibitoka, a été tué par machette la nuit de ce dimanche à lundi. L'administrateur de la commune Mugui, Melkian de Nzokizguanayo, indique que cette personne était accusée de sorcellerie et qu'il avait déjà reçu des menaces de mort à travers les tracts. Il précise qu'il l'avait supplié de quitter cette localité pour sa sécurité sans succès. L'administrateur Nzokizguanayo Guanayo affirmait avoir tenu le matin de ce lundi une réunion de sensibilisation de la population afin que sa population cesse avec le comportement d'accusation de sorcellerie. Pour le moment, 4 personnes ont été appréhendées et sont au commissariat de la police à Chibitoke pour question d'enquête sur la mort de la personne en question. Au cours de cette même nuit et dans cette même commune, mais cette fois-ci sur la colline Muzenga, une autre personne a été grièvement blessée par machette et lui aussi accusé de sorcellerie. L'administrateur de la commune indique que la victime a été conduite à l'hôpital de Chibitoke, mais par après qu'elle aurait été transférée à Bujumbura. Une partie des riziculteurs de la commune Bugendana, province Gitega, qui ont des champs dans le marais de Kagogo de cette commune, n'ont pas semé du riz cette année. La raison est que les barrages d'irrigation de ce marais ont été détruits, occasionnant ainsi le manque d'eau pour irriguer ces champs rizicoles. Il réclame que ces barrages soient réhabilités. À propos, le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Gitega dit que les procédures de recherche des fonds pour réhabiliter les barrages d'irrigation de Bugendana et d'ailleurs sont en cours. Le détail avec Gélan Nibikiza. Certains des agriculteurs qui cultivaient le riz dans ce marais de Kagogo de la commune Bugendana disent qu'ils n'ont pas semé cette culture cette année et à la place ils ont semé du maïs. Ils précisent que la raison est qu'il n'y a plus d'eau pour irriguer ce riz suite à la destruction des barrages d'irrigation de ce marais qui vient de durer à peu près 3 ans. Selon ces agriculteurs, la destruction de ces barrages d'irrigation a été progressive jusqu'à atteindre la destruction effective de 3 barrages d'irrigation sur 5, mais même les 2 restants sont aussi sévèrement détruits. Ces agriculteurs indiquent que l'année dernière, certains parmi eux ont semé le riz sans eau, mais la conséquence de cela est qu'ils n'ont rien eu comme récolte. D'où donc, ils déclarent que cette année, ils ont préféré semer du maïs et d'autres cultures qui ne nécessitaient pas beaucoup d'eau. Ils terminent en rappelant que depuis que ces barrages ont commencé à se détruire progressivement, ils ont réclamé leur réhabilitation, mais en vain. De son côté, Gitega, le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Gitega, Uikunze Oscar, fait savoir que ces barrages d'irrigation du marais de Kagogo en commune de Bugendana et bien d'autres situés dans d'autres coins du pays sont déjà sur la liste de ceux qui seront réhabilités. Il annonce que la phase actuelle concerne les procédures de recherche des fonds pour y parvenir. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Parlons société à présent. La prostitution est le métier pratiqué par certaines des jeunes filles et dames du site d'Isobel pour satisfaire à leurs besoins. Celles qui s'entretiennent avec nos confrères indiquent que cette pratique est due à la pauvreté. Simeon Boutoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, signale que des réunions de sensibilisation sont toujours organisées pour éradiquer ce fléau. Les détails dans ce reportage avec Comer Ndouayou. Nous sommes aussi des déplacés des inondations d'Isobel en zone Maranvia de la commune Mutimbuzi. C'est en province de Bujumbura. De part et d'autre, on observe les femmes et jeunes, dont la plupart des jeunes filles. La vie est de plus en plus insupportable, faute d'aide, disent-elles. D'où le recours à la prostitution pour survivre. La récente aide du PAM date du mois de novembre. Aujourd'hui, nous sommes dans la misère. On profite de notre faiblesse. Puisque nous vivons dans cette misère, on nous paie même à 2000 francs. On n'a pas le courage de refuser car on a faim, on a besoin de crème pour la peau, des chaussures et autres. Son champ de palmier est transformé en hôtel. Eh bien, chacun fait son travail. Une situation confirmée par certains des parents habitants dans son site. Par exemple, lorsqu'une fille est trouvée du savon ou pagne facilement et qu'elle n'est plus à mesure de s'en approvisionner, c'est facile qu'elle se lance dans la prostitution. C'est à cause de la faim. Si tu rencontres quelqu'un qui peut te rendre service, on répond facilement. Les grossesses non désirées sont entre autres conséquences de cet état des faits, d'où les conflits familiaux devenus monnaie courante. L'association SAD, qui assiste socialement plus de 1500 familles de ce site, affirme la persistance de ce comportement. Ils peuvent en profiter pour faire le vagabondage sexuel. Des conseils sont prodigués en matière de prévention et particulièrement à l'égard des jeunes filles, en témoigne Simeon Boutoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi. Ce n'est pas facile de contrôler les gens car pendant la journée, il n'y a pas de barrière. Ils sortent, ils peuvent en profiter pour faire le vagabondage sexuel. Aussi, les gens de l'extérieur, il n'y a pas de l'interdiction d'entrer là-bas. Ils peuvent profiter de leur misère pour leur donner de l'argent afin de pratiquer le vagabondage sexuel. Le site Sobel enregistre un effectif estimé à 1000 jeunes filles issues de 1500 familles. Merci à Omer Noué pour ce grand reportage. Les femmes entrepreneurs de la province Mngaro affirment rencontrer des difficultés dans la réalisation de leurs projets et demandent plus de facilitation pour accéder au crédit au sein des banques. L'administration, quant à elle, déclare soutenir ces femmes entrepreneurs et en organisant plutôt des formations pour elles et système de suivi. Le point avec Odanda Ishimi. En province Mngaro, des femmes entrepreneurs se plaignent du non-accès facile au crédit. Jeanne Nkurunziza, de la colline Buburu, commune Bisoro, province de Mngaro, tout comme Emeline Sengiyumva, de la commune Kayokwe, de cette même province, font savoir qu'il n'est pas aisé d'avoir accès au crédit de la coopérative d'épargne et de crédit COPEC. Ces femmes entrepreneurs demandent à la banque des femmes de commencer leur activité afin qu'elles puissent avoir accès au crédit. Je suis allée me renseigner pour avoir accès au crédit. On compte les années que tu viens de passer à la banque. On m'a demandé une garantie et le montant de mes versements. Or, je ne peux y verser de l'argent si je ne vends pas. J'ai entendu qu'il y a des associations qui aident les femmes dans leurs projets. Je demande à y être intégrée. Pour ce qui est de la demande au crédit, je me suis moi-même rendue à la COPEC pour avoir accès au crédit agricole, mais on me l'a refusé. Nous attendons de cette banque de femmes l'accès au crédit avec faible taux d'intérêt. À la banque des femmes, l'administrateur directeur général Salomé Dabahariye affirme que le crédit qui sera octroyé sera à faible taux d'intérêt. Pour l'octroi des crédits, la BIDF va considérer les projets de développement bancable présentés par les femmes, qu'elles soient organisées en association, en coopérative, en entreprise ou individuellement, et qui ont été évaluées et jugées éligibles pour avoir le financement de la banque. La BIDF aura besoin d'avoir une certaine garantie, si minime qu'elle soit et d'où qu'elle provienne, en vue de se prémunir contre les risques de non-remboursement et autres. Toutefois, la BIDF verra à ce que cette garantie ne soit pas lourde en vue de permettre la pleine réalisation des projets. La Banque des femmes débute ses activités avec son mois de mars, qui est le mois de la femme. Elle va essentiellement financer les projets liés à l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'art, l'industrie et autres. Radio Isanganiro, chronique sport. Et le manque de terrain moderne et les entraîneurs qualifiés d'un niveau international sont certains défis auxquels fait face plutôt l'organisation des compétitions au sein de la Force de défense nationale du Burundi. Lieutenant-colonel Mutungi Raphaël, chef de bureau chargé d'entraînement physique et sport à l'état-major général de la Force de défense nationale du Burundi, demande aux instances habilitées d'organiser les formations pour les entraîneurs burundais pour qu'ils puissent atteindre le niveau d'entraîner les matchs internationaux. Le détail avec Marie-Claire Cadenet. Le manque de terrains modernes est le défi souvent observé dans l'organisation des compétitions au sein des forces de la défense nationale. Explication du lieutenant-colonel Mutungi Raphaël, chef de bureau chargé de l'entraînement physique et sport à l'état-major de la force de la défense nationale. Le terrain de jeu au Burundi, tous les terrains sont cimentés. Mais quand on va ailleurs, on voit que les terrains sont en salle, les terrains sont synthétiques. Et si nos joueurs se sont entraînés sur les terrains cimentés et qu'ils vont faire des compétitions de terrains non similaires aux nôtres, donc les terrains synthétiques, quelquefois, ils y trouvent les performances ne sont pas les mêmes. À cela s'ajoute le manque des entraîneurs qualifiés au niveau international. Nous avons un problème d'entraîneurs qualifiés au niveau international ou régional. J'interpelle alors le commandement de former ces entraîneurs et même chercher des stages à l'étranger pour que ces entraîneurs font de perfectionnement pour améliorer leur savoir-faire. Et au niveau national, c'est de même. Il faut que les fédérations essayent de faire des stages de perfectionnement tant dans l'arbitrage que dans l'entraînement. Au niveau national même, nous n'avons pas beaucoup d'entraîneurs internationaux. Quelques-uns sont des entraîneurs nationaux ou un peu régional, mais international pas. Quand nos équipes sortent et ils vont rencontrer les équipes de sous-région ou ailleurs, ils ont un problème de ne pas avoir leur propre arbitre. Et si les arbitres sont tous de l'étranger, il peut y avoir une partie prise en arbitrage, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas être impartiales. Vous voyez alors que c'est un grand défi quand on n'a pas d'entraîneur. Malgré cela, ce chef de bureau chargé de l'entraînement physique et sport à l'état-major de la défense nationale indique qu'ils n'ont pas de problème de maillot et des chaussures de leurs joueurs. Il n'y a pas de problème de maillot ni de chaussures. Et si on participe dans les compétitions nationales, ils sont bien habillés. Et s'ils partent dans les compétitions régionales, on doit à tout prix leur acheter de nouveau. Lieutenant-colonel Mutungi Raphaël appelle les instances habilitées de rendre disponibles tous les moyens nécessaires pour que les entraîneurs burundais puissent bénéficier de la formation de niveau international. À 13h15 au sud de la radio Isanganiro, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à la parfaite collaboration de François Akimana qui se trouve de l'autre côté de la vitrine à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndikubananga et bon après-midi à toutes et à tous.